LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Pour la nage, le poisson est plus exceptionnel que le sapiens. Pour la pensée conceptuelle, le sapiens est plus exceptionnel que le poisson. Donc, on évitera de mettre trop de hiérarchie entre les espèces. Mais si on pense que la pensée conceptuelle est au sommet de l'évolution, ce que je pense, on dira que les sapiens sont effectivement plus exceptionnels que les autres. L'humain, un vivant d'exception. Il est beaucoup plus facile de se dire que l'homme est exceptionnel, que l'homme est un être à part et que l'homme bénéficie d'une espèce de lumière divine là où le reste du monde aurait été créé pour lui. Ce qui est totalement faux, la nature existait avant nous. Nous continuons d'exister aujourd'hui dans la nature et probablement la nature continuera d'exister après l'homme. Nos particularités, elles sont de deux ordres. Le premier, c'est qu'on est clairement les seuls êtres vivants à nous questionner sur notre environnement et à vouloir l'étudier, ce qui est vraiment une force. On se pose toutes ces questions, on cherche à comprendre ce qui nous entoure ou ce qui nous a précédés. J'ai la chance d'habiter à 800 mètres de la Méditerranée. Tous les jours, été comme hiver, printemps comme automne, je vais nager en mer. Cette chance est surtout de pouvoir croiser toute forme de vivant. Des lièvres de mer, des barracudas, des méduses symbiotiques, des céphalopodes en tout genre, dont des poulpes curieux. C'est vrai, ces derniers sont souvent intéressés par une rencontre poulpo-humaine. De mon côté, j'ai appris à repérer leurs tanières joliment décorées d'ormeaux nacrés, où ils passent plus de 80% de leur temps. Je vais les voir car leur différence avec nous, humains, me passionne. Leur capacité à entrer en relation avec un autre vivant est tout simplement incroyable. Notre unique point commun, c'est d'appartenir au monde animal, et plus largement au monde du vivant. Et il est question pour ce documentaire d'un des plus grands défis pour l'humanité de demain. Elle devra se reconnecter au vivant. Aujourd'hui, qui prête attention à l'explosion de vie qui l'entoure? Qui s'intéresse aux lampadaires qui éclairent trop la rue et qui tuent des milliers d'altérités vivants tous les soirs? Qui s'interroge sur l'araignée du hall de notre immeuble que par réflexe nous écrasons parce qu'on la considère comme choquante? Et pourtant, nous ne pouvons pas vivre sans elle. C'est un autre moi, un autre toi. La relation avec l'arachnide pourrait même donner plus de sens à notre vie humaine, nous rendre humbles, nous ramener au fait que nous ne sommes qu'une espèce parmi 8 millions. Antoine Balzo, nous sommes sur l'esplanade du Trocadéro, face à la Tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu mieux cet environnement et quel est l'animal le plus présent ici? L'environnement, on a donc un parvis entre deux gros bâtiments, deux musées. Les animaux qu'on voit ici, il n'y en a que de deux types, des oiseaux et des primates. Les oiseaux sont des pigeons et quelques mouettes. Et les primates sont des homo sapiens qui pullulent avec une grande diversité de personnes représentées ici, des touristes qui viennent d'un peu partout sur Terre et d'autres qui viennent ici pour vendre des tours Eiffel ou des petits produits dérivés aux touristes. Homo sapiens se distingue par à la fois de nombreux aspects, pas tant de choses que ça finalement. Nous sommes des mammifères, nous avons des poils, nous allaitons nos petits, nous donnons naissance à un bébé qui est déjà formé, donc comme beaucoup d'animaux, comme nos chats chez nous par exemple. On a des particularités évidentes, mais quand on compare avec tous les êtres vivants, c'est compliqué de trouver des choses vraiment uniques d'un point de vue uniquement biologique à notre espèce. On est par exemple bipède, on est les seuls primates à être bipèdes, mais justement les pigeons qu'on voit passer ici sont aussi bipèdes. On a un gros cerveau, mais d'autres animaux ont un très gros cerveau, aussi bien en termes de taille ou de proportion par rapport à la taille du corps. On a un langage élaboré, une vie en société, mais là encore on connaît beaucoup d'animaux sociaux qui ont des langages complexes. Et finalement, d'un point de vue simplement biologique, on se distingue par des choses évidemment communes au groupe animal auquel nous appartenons, en tant que mammifères ou primates. Les primates, c'est le fait d'avoir un pouce opposable. Et en tant qu'humain, on est donc bipède. Et finalement, les quelques particularités d'Homo sapiens par rapport aux autres espèces d'hommes qui ont vécu auparavant, avant et avec nous, c'est un crâne qui est assez haut, avec un cerveau qui est développé vers le haut, et puis quelque chose de complètement anecdotique qui sert à rien, mais qu'on retrouve que chez notre espèce parmi les humains, c'est le fait d'avoir un menton sur notre mandibule. Donc c'est vraiment une caractéristique ridicule. Et finalement, si on essaye de définir juste d'un point de vue biologique qui nous sommes, on se limite comme ça à des choses qui sont anecdotiques, peu importantes, alors que clairement, dans notre environnement plus très naturel, on voit bien qu'Homo sapiens a pris une place très importante. Si on regarde les 7 millions d'années d'évolution humaine qu'on connaît, on voit bien que le cerveau humain est passé en taille du simple au triple, avec une forme aussi qui s'est transformée. On voit aussi une transformation des comportements au cours du temps avec l'apparition de nouvelles capacités. Ce qui fait que pendant longtemps, on a schématisé ces données-là en supposant qu'il y avait une augmentation continue de la taille du cerveau liée à une augmentation continue des capacités cognitives, des capacités intellectuelles. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus compliqué, qu'il y a plus de subtilité dans ces changements-là. Déjà parce qu'on connaît beaucoup plus d'espèces fossiles au cours du temps, donc on voit bien que cette augmentation de taille est en fait pas linéaire, qu'il y a des paliers, qu'il y a des variations entre les espèces, des inversions parfois, des espèces récentes qui ont un tout petit cerveau. On se rend compte aussi qu'un facteur important va être justement le changement de structure de la forme du cerveau. Chez certains groupes, on va avoir un cerveau qui est devenu différent, qui continue à permettre les mêmes capacités, même si le cerveau redevient plus petit chez cette espèce-là. Et donc c'est un sujet vraiment intéressant d'arriver à corréler cette évolution de la tête avec les changements de nos comportements au cours du temps. Le cerveau, au départ, c'est quand même un organe qui est fait pour se déplacer. Alain Prochian, chercheur en neurobiologie. C'est pour ça que les plantes n'en ont pas. C'est sentir, enfin, au sens large, hein, sensoriel, la vision, l'audition, l'olfaction, le toucher. Et en fonction de cette information externe, prendre une décision motrice, c'est-à-dire fuir, en gros, ou au contraire... s'approcher. Et ça, c'est important pour tout, hein, pour se nourrir, pour la reproduction, pour la survie, hein, quand il y a un prédateur qui apparaît. Et donc, ce qui fait que chez les primates, en général, la taille du cerveau est assez proportionnelle à la taille du corps. Chez sapiens, enfin chez les hominines, et au cours de l'évolution des hominines, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on s'éloignait de plus en plus de cette proportionnalité. En poids sec, hein, si on retire le gras, on a à peu près le même poids sec qu'un chimpanzé. Environ 40 kilos de poids sec, un sapiens, en gros. Et on a quand même un cerveau qui fait, ça dépend des gens, mais et ça n'a pas d'importance cognitive, hein, bien entendu, qui fait entre 1300 et 1500 cm3. Un chimpanzé normal, c'est autour de 400 à 450 cm3. Donc, c'est ce que je veux dire quand je dis on a 900 cm3 de trop. Donc ces 900 cm3 de trop ne sont pas des cm3 de type sensorimoteur, ce sont vraiment des cm3 de type cognitif, associatif, linguistique. Et ça, c'est évidemment très important. C'est ce qui fait la spécificité de Sapiens, quand même. Et puis des hominines qui sont intermédiaires entre le chimpanzé et Sapiens. Ça ne veut pas dire que les chimpanzés sont idiots, hein, mais... Et bon, c'est pas la même intelligence qu'une intelligence d'humain, c'est tout. L'expression des sentiments chez l'homme et les animaux, comme disait Darwin, il y a un lien de continuité. En même temps, il y a un lien de rupture. Il faut penser la continuité, il faut aussi penser la rupture, parce que, bon, il y a ces 900 cm3 de trop, moi j'y peux rien. Je suis pas sûr que ce soit un avantage. Hein. Oui, il y a un tragique chez l'humain quand même. Hein. L'angoisse, la connaissance de la mort. En même temps, c'est magnifique, hein. C'est aussi les fondements de la création artistique, littéraire, scientifique. Voilà, donc bon, mais il n'y a pas de marche arrière. Hein. est d'accord que l'humain est quand même un animal exceptionnel. Ah bien sûr. Ceci dit, l'éléphant est un animal tout à fait exceptionnel. Yves Christen. Le grand amanoir aussi, biologiste, etc. Tout le monde est exceptionnel. Mais maintenant, si vous voulez me faire dire que sur le plan cognitif, les cultures humaines ont élaboré des choses tout à fait extraordinaires, les œuvres littéraires, les découvertes scientifiques, les cathédrales, les bombes atomiques, etc., etc. Il n'y a pas de doute que l'espèce humaine a fait preuve d'un talent cognitif tout à fait remarquable et qu'elle a fait preuve aussi d'une agressivité, d'un esprit de conquête dont il n'y a pas beaucoup d'équivalent sur la planète. Ceci étant, il faut quand même bien voir que je pense que l'anthropocentrisme est un péché contre l'esprit. D'ailleurs, l'histoire des sciences, le monde, Darwin, Galilée, etc., etc. Mais il n'en est pas moins vrai que sur le plan physiologique, nous sommes par nature égocentrés. Je veux dire que nous voyons le monde, nous fonctionnons avec notre système à concevoir le monde. Je ne peux pas voir le monde à l'aide de votre cerveau, et encore moins avec à l'aide du cerveau de la souris. Hein. Le monde qu'elle perçoit est un monde original, néanmoins aussi différent qu'il soit son monde par rapport au nôtre. Si nos appareils à concevoir le monde sont si proches quant au fond, c'est parce que nous vivons dans le même monde, nous sommes soumis aux mêmes lois de la physique. Prenez le léopard qui est en train de chasser sa proie. Le léopard, il est obligé d'intégrer, avant de bondir sur sa proie, le fait qu'il a une certaine vitesse, mais que sa proie a aussi une certaine vitesse, que donc là, lorsqu'il va atterrir, il va atterrir plus loin que là où se trouve la proie à l'heure actuelle. Donc il est obligé d'intégrer toute une série de lois de la physique, plus la force avec laquelle il faudra qu'il atterrisse, s'il ne veut pas glisser par terre, etc., etc. Les lois de la physique qui s'appliquent à ce léopard sont exactement les mêmes que celles que nous subissons nous-mêmes. Et je ne parle pas de la gravitation universelle, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, fondamentalement, nous sommes bâtis de la même façon, parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre notre système physiologique et la réalité du monde. Lorenz avait l'habitude de répondre à cette question en disant « Oui, nous sommes des animaux, mais nous ne sommes pas que des animaux. » Michel Kreutzer, étonnant. Alors, souvent, on fait appel à la notion de culture pour définir ça. Mais depuis quelque temps, on a vu que les humains ont tendance à hominiser les animaux, à aller chercher chez les animaux des caractéristiques qui avant étaient considérées comme spécialement humaines. Alors on parle de proto-culture, on parle de proto-langage. Il y a beaucoup de proto chez les animaux, comme si les animaux pouvaient être des humains en devenir. Je pense que c'est exagéré. C'est une vision qui est différente de celle que j'ai connue au début de ma carrière, où on cherchait plutôt, quand on était dans la continuité entre les humains et les animaux, à naturaliser l'humain, à dire, voyez, l'humain, c'est une espèce qui sort de la nature, mais qui n'en est pas totalement sortie. Voilà, on naturalisait l'humain. Aujourd'hui, on hominise les animaux. Mais il y a encore une autre façon de penser les relations entre les humains, ou la position des humains avec les autres animaux, c'est celle qu'avait le philosophe Jacob von Tutschkull, qui considérait à dire que chaque espèce vit dans son propre monde et elle perçoit le monde d'une manière différente d'une autre. Bien sûr, il y a des interactions entre ces mondes, entre par exemple les proies et les prédateurs. Si vous prenez le cas par exemple des pigeons et des écureuils, les pigeons se posent sur les branches d'arbres, les écureuils aussi courent sur les branches d'arbres. Mais la vision qu'ils ont, la perception, la manière dont ils utilisent ces branches d'arbres est bien différente. Ils ont au même endroit, ils vivent dans des mondes différents. Et on a l'habitude un peu parfois de d'hominiser, par exemple, un chat et un chien. Mais de l'autre côté, le chien caninise les humains. Et le chat félinise les humains. Ce qui fait que ces interactions entre mondes ne sont pas toujours faciles. Alors c'est bien, on est au Jardin des Plantes. Oui, on est dans le jardin proprement végétal, parce qu'en fait, le Jardin des Plantes, au départ, c'est le Jardin Royal. Étienne Bimbeny, c'était, philosophe. Sous Louis XVI, là qu'il allait chercher ses plantes médicinales. Et c'est seulement la Révolution qu'on se dit, la ménagerie de Versailles, il faudrait la faire venir ici et produire une espèce de grand jardin, un peu une espèce d'Éden républicain, dans lequel on trouverait à la fois les plantes. Donc on garde les plantes, et là on y est. On garde les plantes royales, on fait venir de Versailles la ménagerie, c'est-à-dire les animaux, et on rajoute les minéraux. Et l'institution du Muséum d'Histoire Naturelle, c'est tout ça à la fois. Et c'est vraiment un projet révolutionnaire et républicain Et ça ouvre en 1793, et il y a une espèce de projet très utopique au départ. Hein. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Étienne Bimbenet, je suis professeur de philosophie contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne. Et je travaille en effet sur les relations homme-animal, sur ce qu'on appelle la différence anthropologique, la différence entre l'humain et l'animal. L'animal non-humain. L'animal non-humain. Si tant est qu'on puisse dire l'animal humain ou l'animal non-humain, qui pour moi me semble une appellation un peu facile et au fond assez peu réfléchie. Parce que dans nos usages, dans nos manières de faire, de dire, de parler, je pense pas qu'on se considère comme des animaux. Et il y a un usage, vous voyez ? Alors évidemment, biologiquement, nous le sommes, évidemment, et on le sait depuis Darwin, nous sommes des animaux, mais en même temps, nous faisons dans nos usages tout à fait autre chose du matin au soir. Et donc, ça ne correspond pas à ce que nous sommes. Si je vous traitais de mâle dominant, ou si je voyais une femme en disant c'est une femelle, ou si je parlais d'elle comme une femelle, ce serait choquant. Donc, il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous faisons. Et donc, cette question de l'usage, et plus généralement des institutions, ou de ce qu'on appelle l'univers de la culture, tourne le dos à l'animalité humaine. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que nous sommes biologiquement des animaux, et culturellement, nous ne le sommes pas du tout. Et c'est cette balance qu'il faudrait avoir en tête lorsqu'on parle de l'humain dans ce rapport aux animaux. Alors, les animaux ont bien sûr ce qu'on appelle des protocultures, c'est-à-dire des usages partagés, qui ne sont pas hérités génétiquement. Et on en connaît un certain nombre, hein. Les macaques de Kochima, par exemple, sont les plus connus, hein. Qui partagent le lavage des patates douces, par exemple, ou les mésanges à Londres qui partagent le fait de piquer l'opercule des bouteilles de lait le matin lorsque le laitier pose les bouteilles de lait sur le pas des portes. Les mésanges londoniennes, elles se sont passées l'usage, elles se sont passées le mot. Donc c'est ce qu'on appelle une petite culture de groupe. C'est ce qu'on appelle les protocultures au sens où c'est pas hérité génétiquement. Donc il y a toutes sortes dans le monde animal de protocultures. Là où je parle plutôt de culture, alors peut-être impropre de l'homme, hein, même s'il faut arriver à le penser non métaphysiquement, simplement comme voilà un ensemble de comportements qu'on peut décrire sans métaphysique, sans lourdeur métaphysique. Ce qu'on peut appeler une culture, c'est des usages et des représentations partagés à travers des noms communs, à travers des usages communs. Le seuil humain, je dirais, c'est ce qui est profondément commun à tout le groupe et qui est enseigné à travers des règles, des institutions, des usages prescriptifs. Et là, je pense qu'on passe un seuil. La culture, elle est normative au sens où elle oblige mes comportements. Elle les oblige à rentrer dans le commun d'une manière beaucoup plus profonde qu'elle ne le fait chez les animaux. Et y a, du coup, si vous voulez, ça configure une vie, il faut bien le voir, très différente, déjà au sens où tout est comment dire, obligé dans une vie humaine. Il faut se rappeler la manière dont nous avons grandi à travers des observances continuelles, à travers des interdits continuels, à travers un corps très pesant, une charge de règles, ce qu'on pourrait appeler une orthopédie, c'est-à-dire voilà, tiens-toi droit à tous les instants. Mais on oublie qu'un corps humain est un corps qui fonctionne à l'autorité depuis son premier souffle en quelque sorte et qui se conforme à un certain nombre de règles très très nombreuses. Mais je pense que là, ça fait une immense différence avec les animaux, ce corps de règles. Mais pour ça, pour apercevoir cette différence avec les protocultures animales ou avec les comportements animaux, c'est très important de décrire des comportements. C'est-à-dire qu'avant d'être objet de science, l'animal comme l'humain sont les sujets de leur vie. Et ça veut dire qu'ils ont un rapport au milieu qui est un rapport concerné par ce qui leur arrive. Ils sont effrayés par un prédateur, ils sont mis en appétit par une proie, ils sont tout d'un coup touchés par des gestes affectifs, etc. Ça, c'est très important de restituer ça. D'abord parce que c'est la terre natale de notre rapport aux animaux, donc c'est essentiel. Et puis par ailleurs, c'est important si on veut comprendre précisément ce que c'est qu'être un vivant humain. Il s'est passé quelque chose de très important chez Sapiens, c'est que le cerveau a grossi très vite. Avec la bipédie, il a grossi à un point. Le problème obstétrique s'est posé immédiatement, c'est-à-dire qu'un cerveau adulte ne pouvait pas passer. Hein. Donc c'était la mort de l'espèce. Si vous regardez un poulain sortir de sa mère, gambade, quoi. Sapiens, pas du tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, un sapiens qui sort de sa mère, c'est quand même un peu déficient, quoi. Et donc ça a eu des conséquences énormes. La première conséquence, c'est que ça a obligé, si vous voulez, à une structuration sociale qui permet de protéger le petit. Parce que quand ça s'est fait, on n'était quand même pas dans un milieu très sympathique. Et les animaux, quand Sapiens commençait à évoluer, ne respectaient pas les droits de l'homme. Donc un petit, c'est quand même assez appétissant. Pour un lion. Et donc il a fallu protéger tout ça. Donc ça crée du lien social et ça crée du langage. Ça crée tout ça. Mais en même temps, le petit se développe très lentement. Son cerveau se développe très lentement. À la naissance, le cerveau humain fait 10% du cerveau de l'adulte. Chez un chimpanzé, on est déjà à 50%. D'accord. Ça veut dire qu'il y a toute une période de développement qui est à l'extérieur. Et donc dans un milieu très riche. Et de plus en plus riche aujourd'hui, parce que les mômes, si vous voulez, ils ont Internet et tout, ils ont contact d'un milieu incroyablement riche. Hein. Combien de temps il faut pour arriver aux 50%? Oh, bon, faut longtemps. Hein. Le cerveau humain est terminé entre 25 et 30 ans. C'est un processus extrêmement lent, et une maturation très lente du système nerveux, et donc une capacité d'apprentissage extrêmement forte. Le cerveau apprend et se construit et se modifie dans sa forme en fonction de l'histoire de l'individu. C'est pour ça que l'éducation, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et c'est vrai aussi des rapports affectifs, c'est vrai des rapports sociaux, c'est vrai des systèmes sensoriels. Hein. Si vous avez un môme qui a une cataracte, et que vous ne l'opérez pas avant l'âge de 7 ans, il sera amblyope. Pas parce qu'il n'a pas l'œil, mais parce que le cerveau ne s'est pas construit avec une vision binoculaire. C'est exactement la même chose. D'accord ? Donc le cerveau se construit sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique et sur le plan affectif en fonction de l'environnement et cognitif, en fonction de l'environnement, parce que c'est un environnement externe. Donc ça continue toute la vie. Donc l'idée qu'on arrive à 25 ans, qu'on est super et qu'ensuite on devient de plus en plus bête, c'est pas vrai du tout. Y a des périodes où on apprend très vite, qu'on appelle des périodes critiques, qui sont liées justement à des modifications des réseaux de neurones dans le cerveau. Et ces périodes critiques sont importantes. Vous n'apprenez pas la musique à 50 ans comme vous l'apprenez à 12 ans. Vous n'apprenez pas une langue étrangère à 16 ans comme vous l'apprenez à 4 ans. Donc il y a des périodes où vous vous imbibez et votre cerveau s'imbibe et se modifie dans sa forme pour s'adapter au monde qui l'entoure. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et chez Sapiens, c'est très fort parce qu'il y a une période postnatale de développement qui est très très longue. Et cette individuation, c'est une forme d'adaptation. Et elle va continuer jusqu'à la mort. C'est-à-dire que vous allez engranger votre expérience dans la forme de votre système nerveux, la forme au sens large, les cellules, les synapses, les formations, parce que c'est pas un ordinateur, hein, ça bouge là-dedans. Et quand le coup suivant arrive, vous savez ce qui s'est passé avant et puis vous réagissez correctement. Et puis cette connaissance, elle passe de génération en génération. C'est pour ça que chez Sapiens, on vit au-delà de la période de reproduction. Parce qu'avant qu'il y ait des artefacts comme les livres ou les ordinateurs qui ont prolongé notre cerveau, les ordinateurs, c'est comme le marteau a prolongé le bras ou comme la bicyclette a prolongé les jambes, c'est le même genre de choses. Avant, c'était ceux qui avaient de l'expérience qui pouvaient expliquer ce qu'il faut faire quand il y a un tsunami qui arrive. Et donc, avoir des vieux, c'était très important parce qu'ils avaient une expérience qui pouvait passer aux générations qui ne savaient pas ce qu'on fait quand on voit la mer monter comme ça tout d'un coup. Donc, le cerveau humain est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que un des aspects de cette spécificité de l'humain consiste précisément à s'élargir, à cette capacité de s'élargir en direction des vivants. Moi, je ne connais qu'un seul vivant qui soit capable de prendre fait et cause pour un écosystème ou pour la disparition d'une espèce ou par se faire une morale absolument prescriptive et indiscutable de respect de toute vie autour de lui. Il y a des djaïns qui se promènent avec un petit balai devant eux pour ne pas tuer le moindre insecte. C'est-à-dire qu'au fond, pour le dire dans une phrase un peu paradoxale, plus je m'élargis en direction des vivants, plus je me fais une règle de les respecter absolument, plus, d'une certaine manière, je m'accepte comme humain. Ou inversement, être humain, c'est, à la différence des autres animaux, c'est être capable d'aller très loin en direction des animaux, c'est être capable d'un respect universel des animaux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, évidemment, mais nous sommes capables de ça aussi. Donc il y a dans l'humain, si vous voulez, un mouvement de décentrement, d'élargissement, que nous aurions aujourd'hui intérêt à cultiver. Hein, allons le plus loin possible aujourd'hui en direction des vivants et même en direction plus loin que les animaux eux-mêmes, en direction des plantes, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ne croyons pas que ça signera la fin de l'humanité, au contraire, ça signe une spécificité radicale. C'est très humain de se décentrer et de se faire un combat écologique ou animaliste, c'est très humain. Donc le paradoxe de l'époque, c'est qu'on n'a jamais été plus humain que dans cette façon de nier notre humanité et de dire nous sommes des vivants comme les autres. C'est-à-dire que les animalistes, les écologistes, les gens qui prennent fait et cause pour les animaux ou pour les vivants en général, accomplissent un combat très humain et magnifique, mais ils ne devraient surtout pas croire qu'on est en train d'en finir avec notre humanité. Au contraire, c'est une des voies intéressantes que prend notre humanité aujourd'hui, que cet élargissement de l'humain. Pour prendre conscience de soi, on pourrait prendre conscience de soi à travers un autre animal? Comment ça se passe, ça? En général, on se reconnaît en s'identifiant en tant qu'humain. C'est comme ça que se construisent les humains, paradoxalement d'ailleurs. Hein, l'idée d'une identité close et fausse dès le premier souffle. C'est-à-dire que le petit homme, il est happé par le regard de sa mère, de son père, de ses frères et sœurs éventuellement. Et très vite, ça va résonner, comme on dit, affectivement. La question des animaux, elle vient là aussi. C'est-à-dire que les enfants, ils ont toutes sortes d'animaux avec qui ils parlent. Et l'identification interhumaine, bien souvent, hein, elle passe la barrière de l'humanité. Et la communauté des humains, elle a ceci de particulier, qu'elle est aussi une communauté élargie, plus ou moins élargie, selon les cultures, hein, mais c'est bien souvent, on le voit notamment dans l'animisme amérindien dont parle Descola ou Viveros de Castro, la communauté humaine, c'est une communauté des humains et des non-humains. Et ça, cette idée-là, elle est importante aujourd'hui lorsqu'on parle de reconnexion avec les vivants. Bien souvent, on va chercher des ressources de pacification, des ressources quasi politiques, hein, pour inventer cette nouvelle communauté du côté de l'animisme amérindien. En même temps, ce qu'il faut voir, c'est que cet animisme tel que Descola ou Viveros en parlent, c'est pas la communauté des humains et des non-humains en général, c'est en fait la communauté des humains, parce que les humains font communauté et construisent un univers de culture qui est le leur, et ils élargissent cette communauté aux non-humains, et sur le modèle de l'humain. Ça, ils le disent très bien, il y a une forme d'anthropomorphisme très fort, hein, dans l'animisme. Le fait de prêter aux non-humains une personnalité exactement calquée sur celle des humains, c'est-à-dire perception, volition, langage et relations sociales qui sont le fait des humains. Et donc en fait l'animisme c'est un anthropomorphisme. C'est intéressant parce que ce dont nous parle Descola et Viveros lorsqu'ils en parlent, c'est la possibilité pour la communauté des humains de s'élargir aux non-humains. Ils nous disent, regardez, certains peuples amérindiens le font tout le temps et nous serions bien inspirés de le faire. Il faut construire politiquement une communauté plus large. Et elle partira toujours d'un centre humain, et elle partira toujours d'actions politiques humaines qui tenteront de s'élargir, par exemple en conférant des droits à certains animaux, en construisant des cercles de respect de plus en plus larges. Mais ça, ce sera toujours une construction humaine. Il faut évidemment résister le plus longtemps possible au jugement et à l'envie d'idéaliser les communautés animistes, enfin les sociétés animistes, notamment amazoniennes. Il ne s'agit absolument pas de les prendre telles quelles comme exemple, de sombrer dans le mythe du bon sauvage ou quoi. Alessandro Pignocchi, auteur de bande dessinée. L'intérêt pour nous, en tout cas encore une fois d'un point de vue relativement égoïste, des travaux d'anthropologie, c'est que ça nous donne des outils de pensée, quoi, des outils de dérangement intellectuel, comme dit Viveros de Castro, c'est-à-dire des contrepoints qui rendent des traits structurants de notre monde pensables. C'est-à-dire que sans les contre-exemples que nous donne l'anthropologie, il y a un certain nombre de structures implicites qui organisent notre rapport au monde, typiquement la distinction entre nature et culture, l'idée d'une flèche du progrès, tout un tas de choses qui sont si évidentes pour nous qu'elles sont dissoutes dans l'habitude et la pensée réflexive n'a pas de prise sur elles, quoi. Et du coup, l'anthropologie, en nous décrivant le monde animiste amazonien, mais pas seulement, n'importe quelle société autre, l'anthropologie et l'histoire, hein, l'histoire qui est finalement de l'anthropologie dans le temps, ou l'anthropologie qui est de l'histoire dans l'espace. Mais l'intérêt, c'est que ça nous donne des contre-exemples, parce qu'une idée ne peut être pensable et critiquable qu'à partir du moment où on est capable d'imaginer son contraire, quoi. La distinction nature-culture, tant qu'on n'a pas lu de l'anthropologie, on ne pense même pas à la critique. On se dit il faut protéger la nature, sans se rendre compte que rien que en formulant la phrase comme ça, c'est déjà faire violence. Enfin, c'est déjà en tout cas imposer un certain rapport au monde où la nature est dissociée des activités humaines, vu que c'est nous qui décidons de la protéger. Alessandro Pignocchi, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au monde vivant et donc à... Qu'est-ce qui, dans votre parcours, a fait ce choc ou cette transition ? C'est sans doute un parcours relativement, enfin entre guillemets, classique de nos jours. C'est qu'à la base, pour le coup, moi j'ai une passion précoce pour l'ornithologie, quoi. J'allais voir les oiseaux tout petits un peu partout en France, mais pour le coup avec un rapport extrêmement occidental à la chose, quoi. C'était vraiment... pour le coup, je les considérais comme des objets. Il y a le principe de la coche où on fait des listes, on essaye d'en voir le plus possible. Donc un rapport très occidental à l'ornithologie, à la protection de la nature aussi. Je m'étais jamais dit que l'idée du parc national qui tente de mettre la nature sous cloche posait le moindre problème. Ça allait de soi que c'était quelque chose de désirable pour moi. Ensuite, pour voir les oiseaux, je suis allé en Amazonie, pareil, relativement jeune. De là, en passant par la porte d'entrée des drogues hallucinogènes, j'ai commencé à m'intéresser aux communautés indiennes, notamment en Équateur. Et ensuite, j'ai lu les textes de Philippe Descola, notamment Les Lances du Crépuscule. Et c'est ça, hein, comme pour beaucoup de gens en ce moment, le vrai déclic, quoi. C'est d'un coup de lire que la nature était un concept très relatif, propre à l'Occident, et qu'il y avait plein d'autres façons de se rapporter au non-humain sans passer par cette dichotomie nature-culture. C'est un espèce de... On est pris d'une sorte de vertige intellectuel qui vous ouvre des perspectives complètement fabuleuses, tant intellectuelles que dans la façon... concrète de mener sa vie, puisque là on rejoint ce que je venais de vous dire, ça ouvre des possibilités d'enrichissement du monde, se dire imaginons que je fasse un effort conscient pour essayer de socialiser, d'attribuer une intériorité au non-humain qui nous entoure, ça d'un coup ça donne une épaisseur au monde vivant qu'on n'avait pas du tout. C'est flagrant à quel point une marche en forêt pour nous évidemment, mais pour un indien occidentalisé, disons, et infiniment plus pauvre l'expérience c'est assez facile à imaginer, quoi, une marche dans une forêt où ce qui nous entoure c'est de la nature, du décor, peut-être très beau, mais en tout cas du décor que l'on contemple, qu'on protège, qu'on exploite éventuellement. Et on fait la comparaison avec la même marche dans la même forêt, si ça va de soi que les arbres, les animaux sauvages, etc., sont des interlocuteurs potentiels, quoi. Des êtres avec lesquels on peut être amené à négocier, à discuter, qui peuvent venir vous visiter en rêve pour vous faire part d'un certain nombre de doléances, de désirs. On imagine la richesse incomparable en termes perceptifs, émotionnels, qu'une telle expérience aurait. Et par ailleurs, mêlé à cette dimension assez personnelle et individuelle, il y a quand même des arguments pour dire que on se tirera pas de la situation sociale et écologique dans laquelle s'est empêtré l'Occident moderne aujourd'hui sans aller vers une forme de socialisation des non-humains. Il n'y a pas d'aménagement possible du capitalisme pour que les vivants s'en sortent bien, ou alors ils s'en sortiront bien que pour une toute petite minorité d'humains qui pourront jouir de parcs nationaux. Enfin, il n'y a pas un horizon politique un peu désirable aujourd'hui sans aller vers un monde où les non-humains sortiraient de la sphère de la nature, justement, pour rentrer eux-mêmes en politique, et que ça nécessite un chamboulement vraiment de taille, quoi. C'est quoi l'écobiographie, Jean-Philippe Pierron ? Alors, l'écobiographie, c'est une tentative de... C'est une forme d'exercice, finalement. On pourrait dire un exercice de soi, qui peut avoir un sens personnel ou qui peut avoir aussi un sens collectif, qui consisterait à se demander s'il fallait que je réponde à la question qui je suis ou à la réponse qui nous sommes. Pourrais-je faire l'économie de ne pas raconter tous les liens qui me font être avec tous les êtres, y compris les non-humains qui ont contribué à mon histoire. Quand on dit « qui suis-je », on peut vouloir répondre à cette question par des identités fixes, stables, permanentes, même à elles-mêmes. Hein. je suis une chose qui pense. Bon, par exemple, hein, pour prendre un exemple plus que célèbre, hein, mais qui a contribué à façonner aussi les conceptions que nous avons de notre subjectivité, de notre identité. Bref, on peut penser l'identité sur un mode de permanence, ou bien on peut penser l'identité à la manière de la conscience prise que dans ce que je suis, il y a des éléments qui contribuent à me faire être, mais qui sont autres que moi en moi. Un philosophe comme Paul Ricoeur parlait d'identité narrative pour dire ça. Au fond, il y a du même dans le soi, hein, soi-même comme un autre. Et cette formule, alors il parlait pas nécessairement en fait des vivants non humains quand il disait ça. Il parlait de l'autre en moi, qui est par exemple mon inconscient, mon tempérament, mon corps. Ce que j'essaye de faire en parlant de, en fait d'éco-biographie, moi, c'est de se demander eh bien dans quelle mesure les liens que j'entretiens avec d'autres que moi, y compris mes liens avec, disons, ce qu'on appelle sommairement la nature, qui est faite donc de relations avec les vivants non humains, que sont les végétaux, que sont les animaux, mais aussi que sont les milieux, hein, avec leurs différentes consistances. Hein, vivre dans un pays de sable ou vivre dans un pays de granit, c'est pas la même chose, par exemple. Hein. Eh bien, donc j'essaie de montrer en fait qu'on a avantage à penser cette dimension relationnelle de notre identité parce qu'effectivement, à ce moment-là, elle augmente la compréhension qu'on a de nous-mêmes. Là où une bonne partie de notre culture, parce qu'elle met de côté cet aspect-là, eh bien, ne craint pas de l'exploiter, de le mutiler, de l'écraser et finalement de cette façon de nous blesser en passant. Hein. C'est une biographie de l'environnement. C'est une biographie du soi environnemental. C'est-à-dire qu'en fait, ma biographie ne peut pas se passer de l'ambiance sur le fond de laquelle elle s'écrit. Et cette ambiance, eh bien, c'est une tonalité sensible donnée par la texture en fait du milieu et des vivants en fait qu'il compose. Moi, je suis né en fait dans les Vosges, et donc j'ai passé des étés entiers dans des forêts de pins noirs et de granit et de grès rose. Et ces textures, progressivement, j'ai pris la mesure en fait qu'elles contribuaient à. Elles n'ont pas simplement contribué à ma subsistance, mais à ma substance, en fait, finalement, de sujet humain. Et je me suis rendu compte, en fait, que cette dimension-là, je me suis demandé pourquoi, en fait, je la taisais. Ça m'a amené à prendre la mesure que nous sommes dans une culture où une bonne partie de ce qui fait notre vie, pudiquement, nous le taisons, parce que nous pensons que c'est trop fleur bleue. C'est-à-dire qu'on a. On aurait vite tendance à dénigrer ce type d'attention en disant c'est un truc de bourgeois bohème, un truc d'urbain, en mal de nature. Je pense qu'en fait l'enjeu est beaucoup plus grave et plus sérieux que ça. Je crois que ce que ça dit, c'est que plus profondément que percevoir le monde, il y a une expérience première qui est de sentir. Sentir est plus profond que percevoir. Et être attentif à cette dimension du sentir, eh bien, c'est se rendre plus vivant, plus humain. Et ça n'a rien de mièvre. Justement, est-ce que nous pouvons nous extraire complètement de notre environnement ? Enfin, concrètement, si on répond brutalement à la question, non, on ne peut pas s'en extraire. Mais on peut croire le faire. On ne peut pas s'en extraire parce que notre être est éminemment relationnel. Et la première expérience de la relation des vivants que nous sommes, c'est la respiration. On le voit très très bien avec l'expérience de la Covid, de ce point de vue, si on n'en était pas convaincu, et ceci même à l'échelle planétaire, nous sommes solidarisés, nous vivants, comme vivants parmi une population de vivants, et une population de corps, y compris non humains, par la respiration. Et donc, on ne peut pas s'extraire de ce monde-là. Et la première hospitalité du monde, de ce point de vue-là, c'est l'hospitalité d'une atmosphère. Mais on peut vouloir le croire. Alors, on peut le faire de manière très temporaire si on vit dans des capsules ou dans des ambiances feutrées d'une automobile. Mais c'est une fiction. Alors, c'est une fiction qui est plaisante. Parce qu'elle veut rendre le rapport au monde lisse, prévisible, contrôlable, non fait de surprises qu'on pense a priori comme étant des mauvaises surprises. Et donc la question effectivement de, tiens, quelle température fait-il dehors que je demande à mon capteur plutôt que d'ouvrir la fenêtre, c'est être bon gré mal gré déjà installé dans un rapport de soi au monde qui est celui en fait d'un rapport d'un pilote d'avion dans son cockpit, c'est-à-dire piloter notre rapport au monde comme si nous étions extérieurs à ce monde par le contrôle bien des indicateurs. Mais en fait, ce modèle du cockpit, c'est celui généralisé de notre culture. C'est que nous pilotons le rapport au vivant, notre rapport au monde, de cette façon-là, en fait, par la culture de la gouvernance des indicateurs et des nombres. Mais c'est une fiction. Quand on fait l'IPBES, hein, j'ai fait 5 ans partie du bureau de l'IPBES, c'est l'équivalent GIEC Climat pour le vivant. Gilles Boeuf, biologiste. Notre dernière grande réunion, c'était le 6 avril 2019, donc c'est passé à Paris, à l'UNESCO. Et ce qui m'a donné beaucoup d'espoir, c'est qu'on se rend compte que le vivant s'effondre partout, mais quand même beaucoup moins dans des territoires gérés par les peuples autochtones. Donc il y a des humains qui ont été capables de saisir cette importance de l'implication du vivant dans des environnements, pas seuls. Hein. Il y a ce merveilleux livre de Marc-André Sellos, « Jamais seul », ou d'Éric Battès, tous entrelacés. L'humain est totalement entrelacé, il n'est jamais seul en fait. Hein. Je parle pas des humains qui sont à côté, mais de son organisation interne. Et dès que ça va mal dans le dialogue entre nos cellules humaines et nos symbiotes, c'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, c'est l'hypertension artérielle. Hein. Donc pour revenir à cela, oui, l'humain est déconnecté. Mais ce qui est terrible, c'est que dans les campagnes aujourd'hui, moi je vois, mais quand j'avais 14 ans, mes amis fils de paysans à la pointe bretonne, ils connaissaient tous les oiseaux de leur champ, leurs papillons. Ils ne savent plus aujourd'hui, même dans la campagne. Donc il y a un gros travail de réharmonisation de ce qu'est l'humain dans son environnement. Et là, on se rendra compte effectivement que chaque fois qu'on va agresser ce vivant-là, on s'auto-agresse en fait, quoi. Retour avec le paléanthropologue Antoine Balzo au Trocadéro. Alors, Antoine Balzo, là, au pied de la tour Eiffel, nous voyons tout un tas de masses de métal se déplacer de droite à gauche, de haut en bas. C'est quoi ce comportement ? En effet, on voit un certain nombre d'objets mobiles de dimensions différentes qui se déplacent, qui démarrent, qui s'arrêtent autour d'humains qui déambulent à côté. Et ces objets-là se déplacent nettement plus vite que les humains à pied. Et ça, c'est un aspect important et intéressant de l'humanité d'aujourd'hui par rapport à ce que nous avons pu réaliser par le passé, parce que par ces progrès technologiques aux périodes modernes, les humains ont su développer des machines, des équipements qui leur permettent de se déplacer toujours plus loin et toujours plus vite. Et ça, c'est quelque chose d'important pour notre existence en tant qu'humanité, parce que c'est une rupture vraiment nette pendant toutes les périodes préhistoriques. Les humains se déplaçaient à pied, se déplaçaient de manière peu dirigée, aléatoire. En fait, c'était plutôt une expansion des humanités quand les démographies étaient un peu plus importante, que les conditions étaient bonnes, les humains n'émigraient pas, ils s'étendaient en fait quand tout se passait bien. Et donc, génération après génération, aller de plus en plus loin sans forcément s'en rendre compte et sans que ce soit vraiment un objectif de se déplacer. C'est arrivé plusieurs fois entre Homo erectus, par exemple, qui a été le premier humain à quitter le continent africain, et Homo sapiens aussi parti d'Afrique. Et ben ces deux espèces humaines-là sont étendues à travers tout l'ancien monde, petit à petit, au fur et à mesure des générations. À partir du moment, on va parler un petit peu préhistoire entre le paléolithique supérieur, le mésolithique, et après il se passe quelque chose, il y a le néolithique. Est-ce que c'est à ce moment-là où l'humain est devenu un animal un peu particulier ? Ça a été le néolithique, une période de changement dans la manière de vivre générale de l'humanité. On est passé de peuples se déplaçant en fonction des besoins, des conditions, des saisons, des ressources. Donc comme un autre animal. Oui, mais comme les chasseurs-cueilleurs étaient similaires à beaucoup d'animaux qui se déplacent beaucoup, des animaux migrateurs, on en connaît sur des distances très longues ou moins longues, donc on peut toujours trouver des comparaisons, et on connaît aussi plein d'espèces sédentaires qu'on pourrait comparer avec les humains néolithiques. Ce qui est notable là, et ça c'est vraiment quelque chose de marquant dans le changement de comportement humain, c'est que une même espèce est passée d'une logique migratoire, mobile, d'acquisition des ressources dans l'environnement en fonction des disponibilités, à un mode de vie sédentaire, de production, de fabrication de ses propres ressources, et avec des déplacements beaucoup plus limités. Ce qui fait que c'est vraiment un choix culturel, plutôt qu'une évolution biologique, une adaptation comportementale qu'on pourrait observer à l'échelle d'une espèce animale. Là, c'est vraiment une décision. Enfin, c'est pas une décision. Ça s'est pas fait d'un seul coup. Ça a été au fur et à mesure, en fonction des différentes populations humaines. Ça a été même très compliqué, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça a été une période de transition entre deux grands modes de vie très différents. Est-ce qu'à ce moment-là, donc entre le mésolithique et le néolithique, est-ce qu'à ce moment-là, le rapport au monde du vivant a changé avec les humains ? C'est une question passionnante et qu'on essaye de creuser et qui est compliquée à appréhender. Comme souvent quand on essaye de comprendre les comportements des humains préhistoriques, parce qu'on ne peut évidemment pas s'empêcher de projeter nos points de vue ou les idées qu'on a aujourd'hui ou les conceptions qu'on a aujourd'hui. Donc c'est toujours délicat d'arriver à apprécier à partir de restes archéologiques. Pour ces périodes-là, on a des ossements, éventuellement quelques objets un peu plus fragiles. À partir du néolithique, les premières traces de construction, donc de structures familiales, de maisons, de villes, etc. Mais c'est en ça que c'est compliqué d'arriver à vraiment comprendre la volonté, le sens des humains. Et ce qui fait que la relation qu'ont pu avoir les hommes, c'est des sujets sur lesquels beaucoup de gens travaillent, mais c'est difficile de savoir si, par exemple, la vache, enfin, la transformation de l'auroch à la vache, a changé aussi le statut que cet animal pouvait avoir dans l'esprit humain. Est-ce qu'il est passé d'un animal sauvage qu'on chasse, qui a un certain statut dans l'imaginaire et dans l'environnement, à un nouveau type d'animal parce qu'on l'élève et qu'on l'a à côté de soi? C'est très compliqué à faire sans projeter ce qu'on a aujourd'hui comme idée des êtres vivants qui nous entourent. Est-ce que l'humain est le seul animal à domestiquer un autre animal ? Jessica Serra, éthologue. Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les relations que l'être humain a créées et le niveau de domestication qu'on a pu créer, effectivement, on est assez unique là-dessus. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de relations symbiotiques, etc., qui existent dans le règne animal, et des formes de culture aussi chez les fourmis qui peuvent s'y apparenter. Mais la domestication telle qu'on l'entend, c'est-à-dire avec un changement finalement des gènes aussi, hein, c'est-à-dire une sélection forte exercée par l'être humain sur les animaux domestiqués, je dirais qu'elle est assez unique et assez propre à Sapiens, et surtout elle est ancienne au cours du temps. On l'a estimée beaucoup plus précocement que ce qu'elle n'était, et finalement à travers les dernières découvertes génétiques et les dernières découvertes archéologiques, on a pu remonter par exemple la domestication du chien à environ 30 000 ans, celle du chat à environ 10 000 ans. Donc on voit qu'on est sur des processus de domestication extrêmement ancien, et que finalement la domestication, elle a forcément eu beaucoup d'impact sur le devenir de l'humanité et le niveau technologique qu'on connaît aujourd'hui, parce que les animaux nous ont beaucoup aidés, chacun à leur échelle, mais que ce soit les animaux consommés pour leur chair, ou le loup devenu chien, ou le chat qui nous a sauvés d'un certain nombre de famines, eh bien chaque animal, chaque espèce animale, c'est important de ne pas l'oublier, a contribué à faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Maintenant, à voir aujourd'hui ce que nous on fait pour eux. pour préciser ma pensée, je dirais que dans tout ce qu'on peut observer dans le règne animal, il n'y a pas eu, en tout cas à notre connaissance, dans nos connaissances actuelles, de mécanisme de pensée, tiens, je vais aujourd'hui aller domestiquer cet animal, mais même chez l'humain, c'est-à-dire qu'on n'a pas procédé comme ça au début. On pense qu'il y a eu chez l'homme une curiosité naturelle envers les autres espèces, et on pense d'ailleurs à nos ancêtres qui étaient certainement de fabuleux éthologues et qui observaient de très près le comportement des animaux et en particulier le comportement des prédateurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à une certaine époque nous étions des proies aussi pour d'autres prédateurs et donc nous étions omnibulés un peu par ces prédateurs-là. Le loup en faisait partie et donc l'hypothèse qui est privilégiée aujourd'hui, c'est que c'est cette curiosité naturelle qui nous a poussé à adopter des louveteaux par exemple et à interagir avec ces louveteaux, à les faire grandir au sein d'une communauté humaine pour voir un peu comment ces animaux se comportaient. Et très rapidement, on s'est rendu compte de l'intérêt majeur que présentait cette nouvelle alliance entre l'homme et l'animal, c'est que ces louveteaux qui grandissaient au sein de familles humaines, eh bien, se comportaient comme ils avaient l'habitude de le faire avec leur propre meute de loups, c'est-à-dire en faisant preuve d'un haut degré d'altruisme, en défendant la nouvelle meute dans laquelle ils vivaient, c'est-à-dire les humains, et surtout en coopérant, parce que les loups sont des animaux hautement coopératifs qui vont donc enclencher des séquences de chasse à plusieurs. Donc en coopérant cette fois-ci avec l'homme, ce qui a été fondamental pour propulser Sapiens, propulser au sommet de cette chaîne alimentaire. Maintenant, je me rends compte qu'il y a des choses que fait l'humain qu'aucun animal ne ferait jamais. Par exemple, ramasser une météorite. Je reviens à la grande météorite d'Orgueil, qui est l'orgueil du muséum à Paris, un petit village qui se trouve dans le Gers, où cette météorite raconte une histoire. L'âge de la Terre, elle a l'âge de la Terre, elle a 4,6 milliards d'années. Et ça, c'est intéressant parce qu'un paysan la ramasse. Il se brûle deux fois en la ramassant. Elle a été échauffée à l'incandescence de par la présence d'oxygène dans l'atmosphère terrestre. Et puis quand il la casse en deux, il se brûle. Au centre, elle est à moins 273 degrés Celsius. Hein, donc vous imaginez le problème dramatique. Eh bien, aucun animal n'aurait fait ça, encore moins une plante. Et c'est ça que j'aime chez l'humain, il fait des trucs. Et c'est là aujourd'hui que je combats nos systèmes actuels. On fait énormément de choses qui ne servent à rien et qui nous apportent du plaisir et du bonheur. Et ça, on n'en tient jamais compte dans aujourd'hui le futur qu'on nous prépare. Comment je vais émerveiller mes étudiants en donnant envie de vivre les lendemains si on n'insiste pas là-dessus? C'est que le pognon, en fait, hein. Gagner plus de sous, faire du profit en détruisant cette nature ou en la surexploitant, ça n'a pas de sens. Eh bien, l'humain, il sait ça. Ératosthène, j'adore. Il calcule 700 années avant Jésus-Christ la masse de la Terre et sa taille. À quoi ça sert? À rien. Donc, c'est vrai que l'humain est très particulier par sa spiritualité, encore une fois, sa créativité, son inventivité. C'est pas le seul à avoir inventé des outils, ça c'est très clair aujourd'hui. Hein. Mais il fait des choses qu'aucun animal ou aucune plante ne ferait. Il est mobile. Ça serait aussi stupide de dire qu'on est comme les autres que de dire qu'on n'est pas animal. Et l'humain est tellement, tellement profondément animal dans sa physiologie, tous mes amis médecins le savent. Par contre, il n'est pas que cela. Et ça, on l'oublie aussi un petit peu dans la situation actuelle aussi. Francis Allais dit, et je trouve ça très joli, il dit « Les hommes sont les maîtres de l'espace ». Les plantes sont les maîtres du temps. Et effectivement, on ne vit pas dans la même temporalité. Chez nous, l'homme, animal, hein, même en général, l'animal, tout est rapide à cause de la locomotion, à cause du mouvement. Pour la plante, être fixée, tout est ralenti, le tempo est beaucoup plus lent. Et ce qui nous paraît très long, en fait, pour elle, c'est leur temporalité, si vous voulez, donc... C'est une altérité, ça n'est pas notre mode de vie. Catherine Laine, chercheuse en biologie végétale. Pour moi, le monde végétal, c'est la base nécessaire, c'est le socle du vivant sur la planète. Sans le monde végétal, le seul qui fabrique la matière dont nous nous nourrissons, hein, la matière organique, il n'y a pas d'animaux. Donc les végétaux, c'est vraiment la première marche, la plus importante. C'est le socle. Si on scie le socle, si on l'enlève, si on le détruit, on désorganise toutes les pyramides, tous les réseaux trophiques, énergétiques qu'il y a derrière. Et donc on met en, on menace tout le reste des espèces vivantes, toutes les espèces animales qui dépendent de ce monde végétal. Et pourtant, nous, hommes, on ne le voit plus, ce monde végétal. On ne le voit pas. C'est un décor, pour la plupart d'entre nous, un décor vert, apaisant, bien sûr, mais on ne prend pas conscience que sans ce décor vert, nous ne sommes rien. C'est-à-dire que nous disparaîtrons, l'animal disparaît. Et je pense que le monde peut vivre sans l'animal. Alors, c'est gonflé ce que je dis, mais le monde végétal se suffit à lui-même. Le monde animal, seul, il ne peut pas survivre. Et bien sûr, le monde végétal a aussi besoin des animaux, hein, pour les échanges de pollen, pour les transports de graines. Mais finalement, le pollen, ça peut aussi être transporté par le vent, les graines également. Donc, on a beau y réfléchir, on a beau tordre la question dans tous les sens, il y a toujours cette évidence que le végétal, finalement, n'a pas besoin de nous. C'était L'humain, un vivant d'exception, avec Alain Prochian, Jessica Serra, Antoine Balzo, Yves Christen, Michel Kratzer, Étienne Bimbonnet, Alessandro Pignocchi, Jean-Philippe Pierron, Gilles Boeuf, Catherine Laine. Avec la voix d'Agnès Roux, coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marie-Vonne Bolivier et Anaï Morales. Prise de son Geoffrey Marianne, Georges Thau, Lucien Lefebvre, Florent Bajou. Mixage Manuel Couturier, un documentaire de Franck Bessière réalisé par Anne Fleury.